Si t'es madame de Beng, la street sera jalouse, donc ça va parler. Je devrais casser un tas de bouches, on vendra du rêve, ça sera leur cauchemar. Oui, on donnera l'heure, m'a dit la Audemars. T'oublieras les pélos qui veulent te cala. Ils proposent des télos, moi je te propose un palace. J'suis mi Wakanda, mi gangster. Quand j'y vais, j'suis dans l'exa, ne me teste pas. On fera ce que personne ne fait, ouais. Si tu veux l'impossible, t'auras ce que tu veux, ouais. À la base, j'étais pas d'humeur à tchatcher. Le temps passe et je me dis que ça peut matcher. Poser, je m'ennuie, elle veut réveiller mes démons de minuit. Discret, elle me sourit, elle me dit viens, on s'oublie. On n'a qu'une vie, ouh, réfléchis plus, ouh. On n'a qu'une vie, ouh, réfléchis plus, ouh. J'ai rangé mon ego, t'es quelqu'un qui sera sur le déco, y'a tes gains. T'as de la classe, t'as du style, j'ai le bagou. J'suis en place, viens on frime, c'est pas tabou. Moi j'ai pas pagayé, pas bégayé. Y'a une queue embouteillée, oui j'peux payer. J'suis mi-rejeta, mi-resta. Quand j'y vais, j'suis dans l'exa, ne me teste pas. On fera ce que personne ne fait, ouais. Si tu veux l'impossible, t'auras ce que tu veux, ouais. À la base, j'étais pas d'humeur à tchatcher. Le temps passe et j'me dis que ça peut matcher. Posé, je m'ennuie, elle veut réveiller mes démons de minuit. Discret, elle me sourit, elle me dit viens, on s'oublie. On n'a qu'une vie, ouh, réfléchis plus, ouh. On n'a qu'une vie, ouh, réfléchis plus, ouh. Tu m'as sorti de mes gonds, j'ai mis les gants. Et je dois te mettre au tapis avant le gong. Tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè. Tu m'as sorti de mes gonds, j'ai mis les gants. Et je dois te mettre au tapis avant le gong. Tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè, tchè. Posé, je m'ennuie, elle veut réveiller mes démons de minuit.